Oui, putain. Elle est mal faite cette minifeuille. Hein. Non, mais la minifeuille, c'est pas moi ça. Qui déconne là. Ah non, d'accord, c'est moi qui ai mal noté. Zapper une note. Ouais, il y a un problème. C'est moi qui ai mal bouclé. Ouais, je me suis trompé. Version. Bon, je vais manger. Mais qui s'énerve sur Benoît. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.